passé et présent. Poète et ténor, l'oriflamme honore, je chante la mort. Poète et tambour, natif de Collioure, je chante l'amour. Poète et marin, versez-moi du vin, versez, versez, je divulgue le secret des algues. Poète et chrétien, le Christ est mon bien, je ne dis plus rien.